Petite poule, la vie roule coule dans le jardin, mais y a ma main qui te retient, prisonnière derrière le carreau. Petite poule, bien sûr là-haut c'est plein d'oiseaux, y a des moineaux, des papillons et des grillons dans le gazon. Seulement là-bas, c'est plein d'embûches pour les petits chats. Y'a suis de Renault qui tombe du toit. Ceux qui s'en vont qu'on revoit pas. Ceux qui ont froid, ceux qui se font mal. Ceux qui attaquent un autre animal. Ceux qu'on retrouve empoisonnés. Ceux qu'on ramasse écrabouillés sur la chaussée. Boule de poil, c'est pas si mal à la maison. Y'a de la tendresse et des caresses. Il fait si bon. Petite sœur reprenne ton cœur. Papa là-bas, c'est plein d'embûches pour les petits chats. T'as pas besoin de chasser les rats. Écoute chanter les oiseaux, les attrape pas, reste avec moi. On fera les folles, on s'amusera. Je te préparerai un bon repas. On s'endormira près du feu, toutes les deux. Y'a celui de Renault qui tombe du toit. Ceux qui s'en vont qu'on revoit pas. Ceux qui ont froid, ceux qui seront mal. Ceux qui attaquent un autre animal. Ceux qu'on retrouve empoisonnés. Ceux qu'on ramasse écrabouillés sur la chaussée.